Même tous les hommes goûtent le temps, se voilent de mystère. À jamais présent, il attend. Demain sera un autre jour, sans compte à rebours, sans retour. Emmène-moi au-delà du temps, emmène-moi là où va le vent. Emmène-moi au-delà du temps, dans ses rêves éternels. Obsession, fascination. Je veux la lune et le soleil, monter à bord de la nef des fours, libre malgré tout, malgré tout. Emmène-moi au-delà du temps, là où va le vent. Emmène-moi au-delà du temps, dans ses rêves éternels. Sans perdre de temps, vole-moi donc tout mon temps. Demain sera un autre jour, sans compte à rebours, sans recours. Emmène-moi au-delà du temps, là où va le vent. Emmène-moi au-delà du temps, dans ses rêves éternels. À dire, à faire, stopper le temps et s'en défaire. Emmène-moi au-delà du temps, emmène-moi là où va le vent. Emmène-moi au-delà du temps, dans ses rêves. Dans ses rêves éternels.